RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Allez, bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un immense plaisir pour moi et pour toute l'équipe de Motors de vous présenter ces deux heures consacrées au sport mécanique. Je vous l'ai dit, un programme extrêmement chargé de la F1, du rallye, l'enduropale, du Touquet. Et tout de suite avec Jeannot Rességuier. Jeannot, tu vas nous parler de foot évidemment, oui, de l'Euro 2012. Effectivement, avec le tirage au sort donc de l'Euro 2012 qui va débuter dans maintenant moins d'un quart d'heure. Tirage au sort de compétition et d'éliminatoires qui débuteront le 3 septembre prochain jusqu'à octobre 2011. L'Euro 2012, on le rappelle, aura lieu en Pologne et en Ukraine. Le tirage est à Varsovie. Alors la France est tête de série. On attendra donc au dernier moment pour connaître les adversaires puisqu'on va commencer par le chapeau 6, c'est-à-dire les plus petites nations. Il y aura un tirage au sort avec 9 groupes formés de 6 équipes et également 3 groupes de 5 équipes. Je prends des notes. Hein. Je prends des notes. C'est très très important. 9 groupes, 6 équipes. Voilà, exactement. Et 3 groupes de 5 équipes. Alors, il y aura des exceptions puisque la Russie, la Géorgie ne pourront pas se rencontrer, l'Azerbaïdjan non plus et l'Arménie. En revanche, pour la France, on pourra retrouver quelques habitués, sait-on jamais, comme par exemple les îles Féroé ou encore ça rappelle des souvenirs, la Géorgie. Donc on vous tiendra au courant du groupe de la France et puis on aura également Jean-Michel Larquet qui viendra d'ici 14h donner sa réaction, ou d'ici 13h parce qu'en principe tout devrait être plié avant ta première mi-temps de ton émission du dimanche. Je ne pense pas te perturber de trop, je viendrai vous titiller de temps en temps. Mais c'est un bonheur, Jeannot. Tu ne nous perturbes pas. Allez, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Alors, tout de suite, je vais saluer un jeune garçon intimidé mais courageux qui nous rejoint dans l'équipe de la Dream Team de la Formule 1. Bienvenue, Antoine Arlot. Salut, Jean-Luc. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir au sein de cette équipe et tu seras évidemment notre envoyé spécial sur le terrain, sur tous les Grands Prix de Formule 1 des Bahreïn au mois de mars. Et tout de suite, tu sais que tu ne seras pas tout seul sur le circuit, puisqu'il y aura l'excellent Stéphane Sanson. Salut, Stéphane. Salut Jean-Luc, salut Antoine, bonjour tout le monde. Voilà Stéphane qui intervient aussi dans cette émission. Là on regroupe toute l'équipe, alors vous le savez il en manque un, le plus beau, le plus magnifique, alors présenté comme ça, et oui, devinez, Patrick Tambay. Salut Patrick. Salut Jean-Luc, bonjour jeunes gens, plaisir de vous retrouver pour cette rentrée des classes. Bon, alors là, je vous préviens tout de suite, on va envoyer du lourd, les gars, parce qu'on fait le tour exactement. D'abord, des enjeux avec toi, Patrick, si tu le veux bien. Alors, on a quelques éléments tangibles maintenant, naturellement. Ce sont les temps réalisés lors des premières séances d'essai. Il y a eu 3 jours à Valencia, dans le sud de l'Espagne. Et autant dire, on affronte 2 questions en une. Michael Schumacher, si certains se demandaient s'il était dans le coup, je crois qu'on a une bonne partie de la réponse, hein, déjà, Patrick. Oui, bon, c'était une rentrée des classes pour toutes les équipes de Formule 1. On attendait depuis 4 mois, je crois, à peu près maintenant, ceci avec impatience. Heureux les Espagnols qui, à Valencia, ont pu bénéficier de cette première partie, de cette première séance d'essai de 3 jours, où on a vu Michael Schumacher, on a vu Fernando Alonso, on a vu Pedro de la Rosa se mettre en évidence. Mais enfin bon, il faudra attendre un petit peu quand même, Jean-Luc, mes chers amis, pour en savoir. Bon, les Ferrari sont dans le coup, les Sauber aussi, mais il y a une inconnue quand même importante, c'est les quantités d'essence embarquées. Pour l'instant, on s'occupait principalement de fiabiliser les systèmes, de rendre le pilotage des monoplaces confortable aux pilotes, tout un ensemble de paramètres et de choses qu'il fallait dégrossir et déverminer. Mais effectivement, les Ferrari sont dans le coup et Michael Schumacher est de retour. Alors, Michael Schumacher, qui aux commandes de la Mercedes Grand Prix, faut-il le rappeler, aux côtés de Nico Rosberg, Antoine, a donc couvert 40 tours le premier jour. Tiens, tu peux peut-être nous rappeler justement les performances établies lors de ce premier jour à Valencia. Alors déjà, pour le premier jour, donc c'était le 1er février, Schumacher a bouclé un tour en 1:12.947. Et il avait donc bouclé 40 tours, c'est ce que tu viens de dire. Pour le deuxième jour, il n'était pas en piste. Il avait cédé son volant. Enfin, Nico Rosberg était toujours là, voilà. C'était Nico Rosberg qui a fait 1:12.899 avec 119 tours. Et puis le troisième jour, cette fois c'était Michael Schumacher, il a fait 1:12.438. Et il a fait à nouveau le troisième temps, comme le premier jour. Exactement. Derrière Fernando Alonso et Pedro de la Rosa pour le troisième jour. Et derrière Massa et le même Pedro de la Rosa. Alors, tu me vois venir Stéphane, puisque Schumacher, évidemment, c'est le gros sujet d'interrogation pour tout le monde. Tiens d'ailleurs, on va poser une petite question au standard, un 32-16. Si vous voulez nous donner votre avis ou réagir sur Michael Schumacher et le retour de Michael Schumacher. On vous attend. Tu vas faire péter le standard. Ouais, je vais faire exploser le standard. Bah, c'est un pari avec Adrien Aigouin qui est là aussi. Allez, on va exploser, on va montrer à Jeannot qu'il n'y a pas que les fouteux qui s'appellent. Oui. Salut les gars, au fait, je vous ai pas salué. Hein. Alors, Stéphane, Michael Schumacher, oui. Le retour après 3 années, c'est quand même fabuleux, quoi, on l'a dit, redit. Ah, ça fait, j'avais la chance d'être à Valence là, la semaine dernière, quand l'ex-baron rouge qui va devenir le baron gris, je sais pas comment on va l'appeler. Ouais, mais c'est parce qu'il vieillit, ça. Est monté dans la Mercedes, et c'est vrai qu'on voit, voilà, quand on voit le casque rouge dans cette nouvelle Mercedes, qu'on entend le V8 s'ébrouer dans son dos, et puis qu'on voit passer la première et quitter les stands, bah, c'est sûr qu'on avait tous sur place les poils dressés sur les avant-bras. Il a rien perdu de sa vélocité. Ross Brawn a même mis envoyé une petite pince, une petite pique vis-à-vis de Button et de Barrichello, en disant ça fait du bien d'avoir un Schumacher, parce que le feedback technique, même en 3 jours, c'est d'une autre catégorie. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, ça commence bien. Alors, puisque, bien sûr, Stéphane, tu étais là-bas, c'était de la folie médiatique. Hein. Je crois qu'il ne pouvait pas faire un pas, pas sortir du motorhome, pas, sans être évidemment avec des grappes de photographes, de caméramen et de journalistes autour de lui. Oui, il y avait deux superstars vraiment. C'était d'abord Michael Schumacher et puis cette Mercedes hein, que personne n'avait vue. On avait simplement assisté au dévoilement de ses couleurs, mais la voiture définitive, elle est apparue à Valence. Et puis la deuxième superstar, évidemment, Fernando Alonso, à domicile, à Valence. Il a fallu installer des cordons de sécurité puisque le paddock était plus ou moins ouvert. Il était très, très peu hermétique, on va dire, à Valence. 35 000 personnes dans les tribunes. On se serait presque cru à une répétition générale à un Grand Prix zéro avec une ambiance vraiment géniale. Et on dirait presque, tiens, je fais la transition avec Jeannot, on dirait presque le Barça, là, hein, là c'est la folie furieuse. Alors Patrick, tu me vois venir à nouveau, on va rester encore un petit peu sur Schumacher. Il y a quand même un jeune pilote qui est à ses côtés, qui avait d'énormes ambitions, il les a toujours, hein. Nico Rosberg, évidemment, jeune pilote allemand, qui croyait qu'on allait lui dérouler le tapis gris, et puis l'arrivée de Schumacher. Alors finalement, atout, à ton avis, pour Rosberg, ou handicap d'avoir un équipier de ce calibre? Et un petit peu des deux, Jean-Luc, à tout, parce que c'est un équipier prestigieux qui a, comme le disait Stéphane, un bagage technique, une expérience extraordinaire qui fait tout de suite mettre son équipe sur les rails. Handicap, ben parce que, comme le disait Ross Brawn aussi, le fait de retrouver Michael Schumacher, avec qui il a partagé 7 titres de champion du monde, il faut le rappeler. Et oui. Je pense qu'il n'est pas étranger au fait que Mercedes soit repreneur de son équipe et que Michael Schumacher ait accepté de revenir. Donc, bon, il va falloir que le jeune Nico Rosberg fasse preuve de beaucoup de patience, de vélocité, de qualité de performance, mais il peut-être se retrouverait dans un rôle d'assistant du baron gris maintenant. Mais bon, c'est un pilote de talent, Nico, et je pense qu'il bénéficiera aussi de toute cette expérience de Michael Schumacher à ses côtés. Et puis Antoine, on sait à quel point justement le baron rouge, on l'appelait comme ça, donc chez Ferrari, s'est attiré, tétanisé l'équipe autour de lui et demandé à ses équipiers de se coucher. Alors là aussi, évidemment, je ne vais pas te poser la question piège, est-ce que Nico Rosberg, lui, va se contenter de ce deuxième rôle? Mais toi qui donc va être avec nous sur la F1, est-ce que le retour de Schumacher constitue une motivation presque supplémentaire? Et puis Stéphane l'a dit, l'affrontement avec Alonso, sachant que les derniers affrontements entre les deux hommes, 2005-2006, c'est à l'avantage d'Alonso, 2 titres de champion du monde. Ah oui, là ça va être quelque chose d'énorme de voir Michael Schumacher revenir pour peut-être son 8e titre. On ne sait pas encore s'il va être assez compétitif. Ah, il revient pour ça c'est clair. Ah, hein. Il l'a dit, donc c'est très clair. On ne sait pas encore s'il va être assez compétitif, parce que c'est vrai que sur les premières courses, est-ce qu'il sera aussi rapide que les autres? C'est pas certain, mais en tout cas sur toute une saison, ça peut faire des choses assez exceptionnelles. Absolument, et puis surtout avec la redéfinition technique dont nous parlerons dans quelques minutes également, la réglementation, vous le savez, qui interdit dorénavant les ravitaillements en course. Plein de fantastiques sujets à traiter dans quelques secondes dans Motor sur RMC. Vous restez bien sûr avec nous, on continue avec la Formule 1 et la Dream Team de la Formule 1. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Je dirais même que ça ne s'était pas arrêté sur la Formule 1 et l'évocation de cette saison 2010 qui débutera, vous le savez, à Bahreïn, au Moyen-Orient. Et ça, c'est une nouveauté également. D'habitude, traditionnellement, c'était en Australie. On est avec la Dream Team de la Formule 1, Patrick Tambay, bien sûr, Stéphane Sanson, évidemment, et Antoine Arlot. Et on n'oublie pas le petit Jeannot Rességuier qui est là et qui note tout du côté du tirage, vous le savez, des éliminatoires de l'Euro 2012. Dès qu'il y a des nouvelles, Jeannot est avec nous. Alors, ça n'a pas débuté, je vous rassure. On a fait beaucoup de tourisme là pour l'instant en présentant les villes ukrainiennes et polonaise. C'est important. Alors, on revient à nos moutons, en l'occurrence à nos chevaux. Alors Patrick, j'ai envie de te demander, je l'évoquais juste avant ce petit break, la modification technique justement bannissant dorénavant les ravitaillements en carburant alors que l'on peut changer en pneus, ça peut avantager qui ou qui va le mieux s'en tirer de cette affaire-là? Eh bien, la réglementation technique, elle concerne aussi les pneumatiques à l'avant, donc ils sont plus étroits maintenant de 25 mm, donc ça on a revu de fond en comble l'aérodynamique à partir du museau de la monoplace, et ça a mis aussi tout en exergue l'écoulement du flux aérodynamique sur le fond plat et sous les fameux diffuseurs. Mais pour compléter la donne technique, il a fallu agrandir les réservoirs. La capacité d'essence est passée maintenant de 80 kg à 165 kg d'essence. Il faudra partir avec le plein d'essence au début de la course. Donc les qualifications seront très très complexes et très délicates, puisqu'il va falloir probablement, quand ce sera entériné par le Conseil mondial, partir en course avec les utilisés en qualif pour la dernière série des pilotes qui seront en Q3. Et il nous faudra donc faire obligatoirement un arrêt pour passer un type de pneu différent. Donc ça risque d'être une question de répartition de masse, d'usure des pneumatiques à l'avant et à l'arrière, d'un équilibre aérodynamique et mécanique parfait. Voilà, c'est toute la problématique que les équipes sont maintenant appelées à essayer de résoudre avant le début de la saison. Alors Stéphane, ça j'imagine que c'était un des secrets les mieux gardés des essais de Valencia. Avec quelle charge en carburant a-t-on travaillé, a-t-on procédé? Est-ce que certaines équipes ou certains pilotes ont pu être tentés de se rassurer avec des charges très très légères en carburant? C'est exactement l'équation à résoudre. Essayer d'y voir clair dans les temps, c'est encore plus difficile qu'à d'habitude, surtout après une première séance comme ça. Du côté de chez Ferrari, on a réalisé systématiquement les meilleurs temps pendant ces 4 jours. Et même là, on ne sait pas où on se situe. Alonso était le premier à dire, peut-être que finalement on est à la traîne. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la voiture, elle est bien née et elle est fiable. Et c'est vrai qu'on a tous été très étonnés, par exemple, de voir une Sauber talonner cette Ferrari pendant les 4 jours. Derrière, la Mercedes qui a pris 20 cm. C'est plus une Formule 1, c'est un porte-avions. Elle est immense, cette voiture. À cause du réservoir dont parlait Patrick. La Mercedes a l'air, elle, vraiment très bien née, mais elle était discrète et c'était peut-être pas un hasard. Et pour revenir sur ce que disait Patrick, il y a vraiment deux tendances lourdes cette année. C'est les voitures qui se sont allongées entre 15 et 20 cm. Et puis ces diffuseurs à l'arrière qui ressemblent à des millefeuilles maintenant, qui sont immenses. On n'a pas encore vu leur version définitive, évidemment, parce que tout le monde garde ses billes dans son coin et on attendra la dernière séance d'essai avant de partir pour Bahreïn pour vraiment voir les vraies voitures. Charlie Whiting, qui est monsieur technique à la FIA, à la Fédération, disait qu'il était plutôt inquiet parce que les voitures de cette année, ça y est, c'est fait, elles ont déjà dépassé le niveau d'appui de l'année 2008. Et l'année 2008, c'était l'année pendant laquelle tout était autorisé avant qu'on coupe complètement dans l'aéro l'année dernière. Ça vous donne une idée vraiment des progrès réalisés là en un hiver par les ingénieurs. Et oui, même si les conditions ne sont pas identiques, Antoine, alors on parlait de fiabilité. Il y a un instant, Patrick et Stéphane l'ont évoqué. C'est vrai que Ferrari donc a terminé les 3 jours en haut de la feuille des temps. On dit que ces temps, on les prend un petit peu avec des pincettes, mais alors ce qu'on ne prend pas avec des pincettes, c'est le nombre de tours effectués, hein, parce que c'est énorme. 127 tours là pour Alonso le dernier jour, de mémoire. 126 124. Pour Hülkenberg. Voilà. C'est monstrueux. Là, on a limé la piste véritablement chez Ferrari. Ah là, je pense que c'est important aussi. L'été, c'est ce que disait Stefano Domenicali cette semaine. Stefano Sanson, hein, Stefano Domenicali. C'est pas le même. C'est ce qu'il disait cette semaine. C'est un petit peu comme un club de foot au mois d'août, quoi. Il faut vraiment tester la voiture, tester les joueurs pour le foot. Mais c'est des performances qu'il faut pas prendre non plus trop sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici le 14 mars. Et c'est un peu comme un club de foot au mois d'août, c'est en rodage et c'est vraiment très important comme ça de faire tourner les voitures. Alors, Patrick, Patrick. Ce que je pourrais compléter de dire, c'est le niveau d'ensemble déjà exceptionnel, parce qu'on a eu un niveau de performance remarquable, peut-être qui est étalonné, équilibré par les quantités d'essence embarquées par les uns et les autres, parce que pour la même monoplace, entre un run avec peu d'essence et un run avec 150 kg d'essence, il peut y avoir jusqu'à 4 secondes de différence. Donc chercher l'erreur, c'est difficile à y voir clair. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est le niveau de fiabilité d'ensemble pour toutes les équipes et l'exceptionnel niveau de qualité de performance, en attendant aussi la sortie de la future Red Bull. Bien sûr, Patrick. Alors, j'allais aborder le problème de Ferrari, ou plutôt le niveau de Ferrari dans son ensemble, et parler évidemment des pilotes d'abord. Avec toi, Stéphane, tu as parlé d'Alonso. Bon, on a dit meilleur temps, on ne sait pas ce que ça vaut exactement dans l'absolu, mais en tout cas, il est là. Alonso se sent bien chez Ferrari. Et le retour de Massa, alors là aussi, on pouvait se poser des questions. Après son terrible accident, on s'en souvient tous, naturellement, hein, aux essais du Grand Prix de Hongrie. c'est vrai qu'on va avoir des tandems de pilotes cette année qui sont fantastiques. On a parlé de Rosberg, Schumacher chez Mercedes. On va avoir un Button, Hamilton chez McLaren. Duo britannique pour la première fois. La carte de copain pour le moment chez Mercedes. C'est le grand frère Schumacher qui va donner des conseils à Nico. Et puis chez Ferrari, on sent que déjà dès les premiers tours de route de cette voiture, les deux là, Alonso et Massa, ils sont remontés comme une pendule et ça va se jouer au dixième de seconde. L'un était vissé sur les chronos de l'autre. Alonso a quitté le circuit très très content avec son petit sourire d'avoir tapé Massa. Pour revenir sur ce que tu disais, Jean-Luc, tout le monde chez Ferrari était rassuré à la suite des essais que Felipe avait fait avec une voiture d'il y a 2 ans et des pneus de GP2 il y a quelques semaines, je crois que c'était à Barcelone. Et puis là, avec la nouvelle voiture, voilà, aucun signe de fatigue, la vélocité est là. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Je pense que c'est vraiment le tandem le plus compétitif, ou en tout cas celui dans lequel il y a plus de potentiel étincelle. Et on sait ce que ça donne quand Fernando Alonso est fâché avec un de ses coéquipiers. Oui, on a déjà vu effectivement ce que ça donnait. Et même chez McLaren, puis là il a du rattrapage à faire, hein, parce que tu parlais du duo britannique, effectivement, du côté de McLaren, avec les deux champions du monde, les deux anciens champions du monde. Il faut le souligner, ça, Stéphane, c'est jamais arrivé qu'une équipe recrute les deux derniers champions du monde en titre et de surcroît deux britanniques. Oui, c'est vraiment une première. Pour l'instant, c'est vraiment amusant de regarder le petit ballet entre Hamilton et Button. Évidemment qu'on dit toujours que son premier rival en Formule 1, c'est son coéquipier. Donc chacun va surveiller les performances de l'autre pendant le lancement de la voiture ou même après à Valence. Il joue un petit peu la carte bras dessous. Mais on sent déjà qu'on s'observe très très fort du côté de chez McLaren. Avec un Jenson Button qui a eu beaucoup beaucoup de mal à s'installer au volant de cette nouvelle voiture. Cette nouvelle McLaren, il était vraiment trop haut dans la voiture. Il avait presque le casque qui cachait la boîte à air au départ. Il a perdu 2 heures. Je croyais 2 centimètres. Puis il n'y avait pas le siège chauffant, il n'y avait pas le cuir à l'intérieur, il avait un peu perdu ses marques. Patrick, il y a une équipe dont on ne parle pas et on sait que de toute façon elle va faire mal. On n'en parle pas parce que la voiture n'est pas présentée pour le moment. C'est Red Bull, Renault, bien sûr, tu me vois venir. On va rappeler quand même que ces deux garçons s'étaient battus pour le titre de champion du monde jusqu'au bout, Sébastien Vettel et Marc Weber. On peut faire confiance à Adrian Newey pour nous sortir encore quelque chose de derrière les fagots. Oui, effectivement, cette équipe va venir compléter les formidables présentations que l'on a pu voir depuis maintenant quelques semaines. Ils ont retardé au maximum la présentation de leur monoplace de façon à pouvoir pousser le développement jusqu'à son potentiel maximum. Mais ça risque de leur jouer un peu des tours parce que pour les essais de la semaine prochaine et de la semaine suivante à Jerez, la météo n'est pas très très bonne. Donc il faudra attendre probablement de connaître leur niveau de performance pure à mi-février pour les autres équipes, à Barcelone en fin de mois avant le départ pour Bahreïn. Alors, il y a un instant, Antoine, Stéphane nous parlait de millefeuille concernant évidemment l'extracteur arrière. Tu penses que ça va être le dessert à la mode, le millefeuille pour la saison 2010? Je sais pas, je le goûterai, je le goûterai, je te dirai ça. Non, mais c'est assez impressionnant, moi je trouve. Enfin, là, ça va être ma première saison, donc pour RMC, tu l'as dit tout à l'heure. C'est assez impressionnant de voir les évolutions sur les voitures toutes les saisons et cette saison en particulier, de voir comme c'est important. Et c'est Fernando Alonso qui disait ça cette semaine. Pour lui, la voiture, c'est 70%, c'est 70% de la réussite du résultat, et 30% pour le pilote. Donc on voit bien l'importance de toutes ces évolutions. Et ils le savent bien, naturellement, les pilotes. Allez, on marque une deuxième petite pause dans cette émission Motors. Mais rassurez-vous, c'est pour mieux revenir dans un instant, toujours avec la Dream Team de la F1 auquel va se joindre Denis Chevrier dans un instant pour évoquer ces problèmes techniques dont nous avons parlé. Restez avec nous sur RMC. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et vous avez bien raison d'avoir choisi RMC entre 12h et 14h tous les dimanches, vous le savez. C'est le point de l'actualité des sports mécaniques et particulièrement la Formule 1 aujourd'hui à l'honneur avec Patrick Tambay, Stéphane Sanson, Antoine Arlot. Déjà, c'est du lourd et déjà, c'est impressionnant, mais auquel s'est joint Denis Chevrier. Salut Denis. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on évoquait il y a un instant, bien sûr, avec Patrick et Stéphane, les aspects techniques de l'évolution, de la réglementation de la Formule 1. Tiens, j'ai envie de te poser la première question concernant cette charge en carburant que Patrick évoquait tout à l'heure. Au départ des Grands Prix, il y aura 165 kilos supplémentaires, a priori, pour le carburant et de surcroît, des pneus avant. Pour les plus lourds, bien sûr. De surcroît, des pneus avant plus tendres. Ah, parce que tu sais que chez Renault, déjà, on sera plus léger. Allez, bim, première question. Non, je pense que effectivement, là, il va y avoir un enjeu colossal au niveau de ces pneus, d'autant plus avec la règle du pneu de qualif qui doit être celui avec lequel on va prendre le départ de la course, qui vont donc être soumis aux voitures les plus lourdes. Soumis, tu as dit soumis. Je vais pas laisser passer. Ouais, bon, d'accord, ça va. Donc, il y a effectivement cet impact-là. Il y a les freins, clairement, parce que on sait que quelquefois, ce sont les freins qui décident de l'enjeu d'une course en Formule 1. Ça s'est déjà vu sur des circuits réputés durs en freins. Eh bien, il est évident qu'une voiture très lourde, elle va rendre un nombre de circuits durs en freins. Et je pense que ce sont vraiment les deux paramètres qui vont être les plus importants en début d'année. Les pneus et les freins. Allez, Denis, je te pose une vraie question directe. Hein. On dit, on sent que le moteur Renault peut avoir un avantage en matière de consommation et ce serait ce qui a pu convaincre Red Bull de rester avec Renault. Est-ce que tu as des infos? On parle de 5 à 7% de charge en carburant. Est-ce que ces chiffres sont plausibles? Alors, plausible, je pense que oui, c'est plausible. Sachant que tout le monde va avoir fait des efforts dans ce domaine, je pense que c'est une évidence, même s'il faut quand même bien se dire que il était de l'intérêt de tout motoriste de Formule 1, même avant, d'avoir les moteurs les plus économiques possibles. Bon. Donc là, c'est un enjeu supplémentaire. C'est une prime supplémentaire, oui. Si on est effectivement en avance ou si on est en position de force dans un domaine, eh bien c'est évident qu'on peut tirer un avantage, surtout sur cette première année, le temps que les gens peut-être s'accaparent, s'attribuent un certain nombre d'armes pour justement réduire cette conso. Alors Patrick, justement, j'ai envie bien sûr de profiter de ta grande expérience dans ce domaine. Toi, tu pilotais des Formule 1 également chargées en carburant. Au début, il fallait gérer cette dégradation des performances des pneumatiques à cause de cette charge. Oui, à l'époque, on partait pour la distance de la course avec le même train de pneus, avec les freins, comme le disait Denis, qui était un élément critique, notamment à Montréal. Aujourd'hui, on aura la possibilité de s'arrêter, de changer de pneumatique. Donc, il y aura des stratégies qui seront un petit peu différentes. Ceux qui voudront, dans la Q3, partir utiliser les pneus les plus performants en tout début de course pour être bien placés sur la grille, auront peut-être une difficulté à gérer ces pneumatiques avec une quantité d'essence importante. Donc il faudra qu'ils s'arrêtent relativement tôt pour passer le dernier train de pneus. On risque d'avoir quelques surprises entre les performances des monoplaces, de certaines monoplaces en début de course, et puis les performances qui risquent de se dégrader pour au profit d'autres machines en fin de course. Donc ça risque de nous donner un intérêt important. La qualification Q1, Q2, Q3 sera encore une nouvelle fois essentielle parce qu'il y aura 26 machines en piste au début de la qualification Q1. Il va falloir en éliminer progressivement 16 pour ne rester qu'avec 10 à la fin. Donc ça risque d'être très très disputé au niveau des qualifications et les courses indécises jusqu'à la fin. Alors Stéphane, toi qui étais donc aux essais de Valencia, quel est ton ressenti? Est-ce qu'évidemment l'expérience des pilotes qui, eux, comme Patrick, ont pu expérimenter des monoplaces chargées en carburant du début à la fin? Alors Patrick de souligner, bien sûr, il a raison, à son époque, on ne changeait pas de pneumatique, ce qui est le cas maintenant. Est-ce que la réduction donc, de la dimension des pneus avant aussi préoccupait les pilotes? Je pense qu'ils avaient tous une phrase aux lèvres en sortant de voiture, c'était « elle s'ouvre comme une vache ». Mais dans ah ouais. Belle expression. Dans toutes les équipes, tous les pilotes, toutes voitures confondues, ils ont trouvé qu'ils tournaient le volant et que ça partait tout droit, évidemment. Ça change pas les expressions. Les pneus avant plus étroits et des grosses charges en carburant, évidemment, ça ne va pas rendre le train avant plus adhérent. Pour essayer de compenser, on a peut-être un peu modifié la répartition des masses. C'est ce qu'on va faire encore cette semaine chez Mercedes. C'est la raison pour laquelle, a priori, la voiture n'était pas super à l'aise la semaine dernière à Valence. Et puis pour revenir sur ce que disait Patrick, sur cette différence de performance en début et en fin de course, il y a quelques équipes qui apparemment sont en train de travailler sur un système qui est assez ingénieux et qui permettrait, pendant les ravitaillements en pneumatique, de modifier la garde au sol de la voiture. Alors ça n'a pas le droit d'être fait automatiquement, le pilote n'a pas le droit de le modifier depuis son volant évidemment, mais on sait que la voiture va partir à 800 kg, elle va arriver à 620-630, évidemment sa garde au sol ne sera pas du tout la même. Si on arrive à maintenir la voiture à une garde au sol à peu près constante, on va gagner en efficacité aérodynamique et on ne devrait pas trop perdre en performance, voire en gagner jusqu'à la fin de la course. Donc c'est peut-être une des astuces, une des bottes de nevers sur lesquelles sont en train de travailler quelques-unes des équipes aujourd'hui. Et oui, ce rendement aérodynamique, c'est l'autre grande question technique justement, Denis, qu'il faut aborder, puisque Stéphane l'évoquait tout à l'heure, a priori, les ingénieurs en travaillant, les équipes auraient déjà récupéré tout ce qu'elles avaient comme appui aéro en 2008, avant les mesures restrictives de 2009. C'est absolument incroyable, là, Denis. Comment peut-on arrêter cette augmentation des performances? Parce que c'est le but recherché naturellement par la FIA. Ben c'est la lutte continuelle, je crois. Enfin, la lutte, c'est le jeu continuel. Donc, les règles, ils sont justement là pour ça. C'est-à-dire que on rechange, on rebaisse un peu, on remet des contraintes, et puis les connaissances des gens, et puis leur engagement à progresser font qu'on se rapproche. Mais en même temps, s'il en était pas ainsi, la Formule 1 serait plus non plus la Formule 1. Je pense que c'est... heureusement, je crois, effectivement, j'ai entendu que les gens étaient, pour certains, étaient contents des progrès qu'ils avaient faits. Parce que dans une année comme celle de l'année dernière, eh bien, il y a une compréhension de l'élément aérodynamique que représente la voiture. Et puis, eh bien, sur ces compréhensions-là, eh bien, on peut travailler et effectivement faire des progrès, ça c'est clair. Allez, on va parler avec toi, Denis, c'est bon. Le troisième aspect que je voulais qu'on aborde ensemble, de Renault, évidemment, cette écurie Renault qui a changé énormément d'une année sur l'autre. On ne va pas revenir sur les anciennes affaires, mais justement, d'un homme nouveau au pouvoir, un groupe d'abord nouveau, Génie Capital, avec Gérard Lopez, et puis un nouveau manager, team principal, Éric Boullier, qui vient donc, on le sait, du GP2, qui vient de chez Dams, et puis de nouveaux pilotes, Robert Kubica, et la surprise, Vitaly Petrov, donc le premier russe en Formule 1. Denis, tu connais bien évidemment cette équipe Renault dont tu faisais partie il y a un an encore. Qu'est-ce que tu penses des changements? Qu'est-ce que tu as comme information de l'intérieur? J'imagine qu'évidemment, tu as toujours quelques bons contacts par là-bas. Bah disons que c'est sûr que c'est vrai que les changements sont conséquents et ils étaient inévitables. Je crois que ça, c'est très clair. Si on essaye de reprendre dans l'ordre un petit peu les gens que tu as cités, certainement dans l'ordre d'importance, eh bien, il y a effectivement Gérard Lopez, qui est quelqu'un que la Formule 1 découvre, et visiblement, lui, ne découvre pas la Formule 1 en tant qu'intérêt qu'elle peut représenter pour l'homme d'affaires qu'il est, pour l'entrepreneur qu'il est, et je dirais que ce que l'on ressent à travers la presse, des quelques occasions que ce monsieur a eu de s'exprimer, je crois qu'on a affaire à quelqu'un de vraiment très intelligent et avec une grande clairvoyance. Donc, s'il vient en Formule 1, et il le cite, c'est pas pour remplir un fond de grille, ni pour promener des clients sur un paddock de Formule 1, mais c'est pour bien faire. Donc je crois qu'avec l'intelligence, il doit savoir que ça ne va pas se faire en deux mois. Il s'appuie sur des gens qui ont sa confiance, quelqu'un comme Boullier, qui effectivement a déjà travaillé avec lui, à qui il donne des pouvoirs, à qui il fait confiance, et je pense que ce sont des gens de course, c'est-à-dire qu'il a compris, cet homme, qu'il y a la Formule 1 qui est la Formule 1 des affaires, il y a la Formule 1 qui est la Formule 1 de la course. Et ça me fait quand même très plaisir, parce que je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'écuries, il y a un certain nombre de propos où cet aspect sportif, il disparaissait complètement. C'est vrai, c'est vrai. Là, Monsieur Lopez, il parle de sport et il dit « la Formule 1 est un sport et je la fais faire, cette Formule 1 sportive » à des hommes de course. Et ça, je crois que c'est déjà un virage extraordinaire pour Renault. Alors Patrick, justement, qu'en penses-tu? Tu as évidemment connu aussi cette équipe Renault F1 de l'intérieur, avec deux saisons pleines, deux saisons performantes. Alors, que penses-tu? Tu connais bien le groupe Génie Capital également, tu connais bien Éric Boullier, on connaît bien Kubica. Qu'est-ce que tu penses de ces Renault New Look pour 2010? Eh bien, la question est compliquée, délicate. On s'attache à une mission... qui est de relancer la dynamique de cette équipe qui a subi l'année dernière un tsunami médiatique important. Tous les gens de compétences sont en place pour l'instant. Il y a une problématique marketing, il y a une problématique technique, il y a une problématique humaine, sportive. Toutes ces choses-là sont à gérer. Donc ça fait énormément d'éléments et de facteurs à prendre en compte pour le team principal, Éric Boullier, mais il est bien conseillé ou en tout cas entouré de compétences par Gérard Lopez et Éric Lux, qui est son associé, il ne faut pas l'oublier. Donc on va attendre de voir. C'est l'arrivée d'un nouveau pilote qui vient de Russie. Je crois que la Formule 1 attendait depuis très longtemps un pilote de nationalité russe, de façon à faire le développement et la promotion de la Formule 1 dans ce pays. Petrov a été vice-champion de GP2, donc il a une pointe de vitesse suffisante. Maintenant, il doit apprendre l'environnement et le monde de la Formule 1 et son fonctionnement. Il est bien entouré. Maintenant, on va observer ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est un monde très difficile où on ne vous donne pas beaucoup de droit à l'erreur. Ils font généralement, on les paye cash, les erreurs. Mais on est parti pour du long terme chez Génie Capital. C'est un projet de valorisation de cette équipe Renault, mais aussi de valorisation de la Formule 1 dans son ensemble, avec l'arrivée de nouveaux moyens de communication. Je crois qu'on en a déjà eu quelques aperçus lors des premiers essais à Valence. Bah, il y a une nouvelle manière, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux entrepreneurs. Gérard Lopez et Eric Lux ne sont pas les seuls. Il y a pour Lotus, pour d'autres équipes aussi, pour Virgin avec Branson, des entrepreneurs qui sont pleins d'idées, des hommes nouveaux qui veulent développer un petit peu plus la Formule 1 sur le sens maintenant relationnel. Je crois qu'elle est en train de faire sa révolution culturelle et ce sont les nouveaux patrons de demain, je pense. Bien sûr, Patrick. Alors, pour compléter, Jeannot, des nouvelles du côté du tirage au sort de l'Euro 2012. Je vous le livre tel Vas-y. Quel, parce que ça vient de sortir et je vous apporte des précisions dans quelques minutes. En tout cas, le groupe sera pas si évident que ça, puisque la France va retrouver la Roumanie, va également être opposée à la Bosnie, qu'elle avait failli se retrouver en barrage pour la Coupe du Monde, Bélarus, Albanie, Luxembourg. Donc France, Roumanie, Bosnie, Bélarus, Albanie, Luxembourg. Voilà pour le tirage au sort de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Je reviens avec un petit peu plus de détails dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jeannot. Dans la foulée, t'as pas des infos sur le nouveau sélectionneur de l'équipe de France? Non, ça, il va falloir passer un petit peu. Ouais. Un peu. Ouais. Tu vois, ce sera d'ailleurs, en tout cas, le nouveau sélectionneur qui dirigera l'équipe de France pour ses éliminatoires. Bien vu. Eh ben oui. Merci beaucoup, Jeannot. Allez, on marque une petite pause et on continue à parler de Renault. C'est important pour nous, Français, bien sûr, avec Stéphane Sanson, avec Patrick Tambay, avec Antoine Arlot et avec Denis Chevrier. Restez avec nous dans Motors sur RMC. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, retour à cette émission Motors où on parle beaucoup de Formule 1. Alors tout de suite, je vais remercier bien sûr Denis Chevrier pour son intervention. Denis, qu'on te retrouvera bien évidemment régulièrement et dans Motors et dès le départ de cette saison de Formule 1. Merci infiniment, Denis. Et puis, un dernier petit mot avec Patrick. Patrick, je crois que tu as des impératifs dans quelques minutes également. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler des autres équipes, mais je te rassure, on en reparlera avant le début de la saison. Hein, tu as parlé de Lotus tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de faire un tour général des autres équipes et notamment de l'inconnu Campos avec Bruno Senna. Oui, Campos et USF One, Bruno Senna chez Campos, Stéphane Grand Prix, que l'on attend aussi peut-être. Beaucoup d'inquiétudes pour ces équipes. Les semaines qui arrivent vont nous en dire beaucoup plus. Merci infiniment, Patrick. Je te laisse. Je sais que tu as des impératifs. Salut à tous. Merci Salut beaucoup. Patrick. On va rester. Tu as un mot à rajouter peut-être? Juste pour vous rappeler donc le tirage au sort du groupe de la France pour les éliminatoires de l'Euro 2012 avec donc la Roumanie qui était l'adversaire des Français déjà lors des qualifications à la Coupe du Monde. On se rappelle le 1 partout au Stade de France et surtout le 2 partout du côté de Costanza. Il y aura la Bosnie de Spahić, le défenseur de Montpellier, mais aussi de Pjanic, le milieu de terrain de Lyon. La Bosnie qui avait été éliminée lors des barrage à la Coupe du Monde. C'est une équipe costaud, solide. Il y aura donc le Bélarus ou la Biélorussie. Ce sera là une première confrontation. Il y aura donc ensuite l'Albanie. L'Albanie, il y a eu deux rencontres avec notamment les éliminatoires de l'Euro 92. Il faut remonter très très loin. Il y avait une victoire 5-0 au Parc et 1-0 à Tirana. Et puis donc le Luxembourg. Luxembourg, c'est une vieille connaissance, mais il y a très longtemps qu'on ne les a pas joués. Depuis 1985, il y a eu 14 matchs et il y a eu une seule défaite. Et pour trouver une trace de défaite face au Luxembourg, cela dit, je suis allé chercher très loin. C'était en 1914 et une défaite sur le score de 5-4. Donc, les joueurs ont changé, rassure-moi. Exactement. Hein. France, Roumanie, Bosnie, Bélarus, Albanie, Luxembourg. On en reparle à 13h dans les infos de Christophe Bordet, à 14h dans l'intégral sport de Rodolphe Massé et ce soir à 19h dans une spéciale avec Fabien Lefort. Merci de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir, Jeannot. Bien sûr qu'on revient sur tout ça. Allez, on revient nous, bien sûr, à la Formule 1 avec Stéphane Sanson. Alors Stéphane, tu ne t'es pas encore exprimé sur cette nouvelle équipe Renault, qu'en penses-tu ? Je crois qu'il y a deux choses. Au niveau technique, on sent que l'équipe elle a été un petit peu perturbée par tout ce qui s'est passé cet hiver. La R30 qu'on a vue à Valence, c'était de loin la voiture qui semblait la moins révolutionnaire, la moins novatrice dans tout ce qu'on a vu. On garde quelques armes au frais du côté de chez Renault. Je pense que l'aileron avant et le diffuseur seront dévoilés au tout dernier moment, voire à Bahreïn. On parle de quelque chose d'assez spectaculaire du côté de l'arrière de cette voiture. Évidemment, on ne voudrait pas se le faire copier. Donc, ce sera peut-être uniquement pour les premiers essais libres du premier Grand Prix. Après, comme le disait Patrick et comme l'a dit Denis Chevrier, le nouveau management semble avoir les bons réflexes. Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont été arrachées. Il y en a quelques autres qui vont être arrachées bientôt, j'ai l'impression. On peut avoir les noms des mauvaises herbes. Non, allez. Je vais pas te mettre mal là. On a en tout cas, on a fait un petit peu de ménage. Maintenant, on a planté des petites graines et c'est vrai qu'il va falloir y faire attention, l'arroser. Et puis, je pense qu'il faudra attendre 2011 pour pouvoir vraiment jouer les podiums à la régulière. Aujourd'hui, chez Renault, on se dit, voilà, si on est la cinquième équipe après Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull, déjà, on s'en sort bien. On essaie de jouer les podiums de temps en temps en fin de saison. Et notre vraie première année de nouveaux défis, ce sera 2011. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais te libérer également. Je vais garder Antoine. Il y aura encore plein de sujets à aborder, mais on reviendra, hein, bien sûr. Et pourquoi ? Parce qu'on va changer de thème maintenant. On va aller voir du côté de l'Enduropal du Touquet. Vous le savez, cette ville du nord de la France, de bord de la Manche, qui accueille 300 000 spectateurs. La plus grande course de moto au monde, c'est l'Enduropal du Touquet. Plus de 1000 pilotes sont en train de traverser cette ville du Touquet maintenant pour se rendre sur la grille de départ. Cette grille de départ qui, malheureusement, ne comportera pas Timothée Potisek, le vainqueur 2009, un grand champion formidable qui s'est tué en essai, vous le savez certainement, on l'a annoncé sur cette antenne. Et pour témoigner justement de ce pilote et de cet enduro formidable, eh bien j'ai souhaité qu'on ait Cyril Després en ligne. Cyril Després, qui est le vainqueur, le dernier vainqueur du Dakar, vous le savez, et qui a pris part également à l'enduro du Touquet. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de RMC en direct dans Motors. Alors, les pilotes sont en train d'être libérés là dans la ville du Touquet, et vont traverser cette ville pour se rendre sur la grille de départ. Et j'évoquais il y a un instant la mémoire du très grand champion qui était Timothée Potisek, malheureusement tué en essai, hein, il y a au mois de décembre, en préparation de cet enduro du Touquet. Ouais, c'est vrai qu'une tragique nouvelle pour tout le monde, quoi. Les courses de sable, c'est vraiment une discipline particulière. J'ai eu la chance de participer au Touquet en moto l'an dernier et j'ai pu vivre ces moments, la traversée du Touquet depuis quelques dizaines d'années. C'est la même chose et c'est des moments incroyables, quoi. On est en 2010, participer à une course sur une plage comme ça dans le nord de la France, c'est vraiment incroyable. Et donc c'est aussi avec un pincement au cœur, un gros pincement au cœur, que malheureusement Timothée sera pas là et plus là, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le milieu de ces courses de sable et c'est très bien. Et à noter, voilà, cette association, la Dream Team, qui est en train de se mettre en place pour la sécurité et l'avenir des jeunes pilotes qui débutent dans la discipline. Et on va en parler avec toi, bien sûr, parce que justement, il y a le fameux système du Nick Brice qui a sauvé la vie, hein, on peut le dire, de Luc Alphand en enduro, cette fois, il y a quelques mois. C'était l'été dernier, vous le savez. Je voulais évoquer donc également la présence de Rudy Potisek, que l'on a bien connu, que j'ai bien connu personnellement, qui était le papa de Timothée, et le papa de Matei, le frère jumeau, justement, de Timothée, qui ont effectué un tour complet de ce tracé du Touquet, un nouveau tracé, d'ailleurs, moins rapide et plus varié. Alors, dans un instant, on va voir Dominique Sauvêtre qui est de Motors TV, hein, qui est présent, puisque toute cette course est retransmise en direct, en intégralité, en exclusivité sur Motors TV, cet enduro du Touquet, pendant 3h30. Donc je voulais avec toi, Cyril, que l'on parle de ce système Nick Brice, parce que tu t'es rendu au Touquet pour expliquer aux pilotes comment l'utiliser, justement. Exactement. Il faut savoir que ce Nick Brice, ce Lead Brice, il y a plusieurs marques, mais bon, le leader est Elite, un docteur sud-africain qui a mis au point ce système. C'est un peu compliqué, ou ça peut être compliqué au premier abord, puisqu'il y a tellement de petits réglages qui permettent d'adapter exactement à la morphologie de chaque pilote et aussi à chaque casque. Donc voilà, on va essayer, la Dream Team va essayer, puis moi de mon côté aussi, je pense que c'est une mission. J'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai vu trop de pilotes, trop d'amis partir comme ça, et cette protection aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Juste pour vous dire, j'étais au départ samedi matin, de cette Enduropal jeune, où il y avait 80 motards au départ, et j'étais sur le bord de la piste et avec une immense joie, il y avait 70 pilotes qui avaient cette protection autour du cou. 5 avaient une marque différente, et puis seulement 5, voilà, n'en portaient pas encore. Donc ça, c'est une vraie innovation. Les jeunes prennent conscience, les jeunes mettent cette protection, et bah, entre autres, c'est sûr que ça peut limiter des gros dégâts. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va essayer d'apporter des DVD que les sites web relient, une petite vidéo qui sera mise en place pour essayer d'adapter que cette protection, elle soit d'abord efficace, mais aussi et surtout qu'elle gêne en aucun cas la pratique de notre sport, quoi, que ce soit en rallye, en enduro ou en motocross. Donc Ça va être important puisque aujourd'hui il y a quand même 150 000 de ces protections qui ont été vendues, donc ça fait quand même un paquet de passionnés, un paquet de motards, et c'est vrai que ces petits ajustements vont aider à assimiler cette protection. Et comme on mettait depuis quelques années nos paires de bottes et notre casque et nos protections dorsales, et ben voilà que cette neck brace d'éventuelles différentes marques soient adaptées et adoptées par un grand nombre de pilotes. Et c'est très important que de grands noms comme toi, Cyril, s'engagent totalement pour la sécurité. Je sais que Jacques Boll, le président de la Fédération française de moto, est totalement motivé lui-même, ancien pilote de Grand Prix, hein, bien sûr, ancien vainqueur de Exactement. Grand Prix, est très motivé sur ce sujet. Si tu veux bien, je te garde encore, Cyril, mais on fait un saut du côté, justement, de la grille de départ du Car Press avec Dominique Sauvêtre, qui est là-bas pour Motors TV. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Je suis dans le Car Press qui domine la ligne de départ. Et en fait, les concurrents là, commencent déjà à arriver sur la plage. Et c'est vrai que c'est un grand moment d'émotion puisque, je te le rappelle, j'étais sur la grille de départ du premier enduro du Touquet en 1975. Et oui. Ça ne me dit pas. Et en fait, le principe est le même. Et il y a tout un tas de souvenirs qui me reviennent, et notamment des petites astuces comme le fait que la course en fait commence la veille aux vérifications, puisque soit la machine passée aux vérifications techniques, il était très important de bien se positionner portail de sortie du parc fermé afin d'être dans les, on va dire, dans les 30 premiers derrière les motards de la gendarmerie et traverser la ville ainsi et arriver sur la grille de départ pour choisir sa place en première ligne. C'était déjà une condition sine qua non pour faire un bon résultat. Eh ben c'est sûr Dominique, avec 1000 pilotes, et on voit que là on les voit sur l'antenne en direct de Motors TV, parce qu'on peut faire les deux. On a le droit de mettre la radio sur RMC et l'antenne sur Motors TV pour regarder les images de folie comme à chaque fois. Et puis également, ben Dominique, on va rendre hommage évidemment rapide à Thierry, hein, Thierry Sabine, le créateur de cette épreuve absolument mythique. Bien sûr, et c'est vrai que les anciens pensent à Thierry à ce moment, et on le revoit tout vêtu de blanc comme à son habitude, debout sur le toit d'un 4x4 et dominant donc cette grille de départ où il y avait quand même la première année, je le rappelle, 350 concurrents. Et paradoxalement sur une ligne beaucoup plus large que maintenant, puisque la ligne droite est constellée de flaques d'eau, de bâches assez profondes et très dangereuses. Donc du coup, la ligne est un petit peu moins large et les pilotes sont sur plusieurs rampes. Dominique, je vais devoir là te rendre antenne, te couper. Je vais remercier infiniment Cyril, hein, des prêts. Je ne veux pas te tenir trop longtemps, Cyril, parce que on va partir pour les infos dans un instant. Merci beaucoup de ton intervention. Merci à vous et merci de vous inquiéter aussi de la pilote. C'est super. Merci beaucoup. Et l'antenne t'est ouverte, hein, tu le sais quand tu veux. Encore bravo pour ta victoire au Dakar. Salut Cyril. Dominique, également, on va te quitter, mais on te reprendra tout à l'heure, hein, dans la deuxième heure pour faire un point sur l'enduro du Touquet. Voilà, vous restez avec nous. Plein d'infos, vous le savez, dans un instant. Les infos générales avec Christophe Bordet qui va vous délivrer le journal. Et bien sûr, avec, vous le savez, Jean Rességuier qui nous a donné en live les résultats du tirage au sort des éliminations de l'Euro 2012 depuis Varsovie. Restez sur RMC. RMC Motors avec Motors TV.